princes de la cuite, les seigneurs. Ceux avec qui tu buvais le coup dans le temps, mais qui ont toujours fait verre à part. Dis-toi bien que tes clients et toi, ils vous laissent à vos putasseries, les seigneurs. Ils sont à 100 000 verres de vous. Eux, ils tutoient les anges. Excuse-moi, mais nous autres, on est encore capables de tenir le lit sans se prendre pour Dieu le Père. Mais c'est bien ce que je vous reproche. Vous avez le vin petit et la cuite mesquine dans le fond, vous méritez pas de boire. Oh seigneur de la cuite, au grand joueur qui s'applique, à l'alcool qui réchauffe, à l'essence qui s'échauffe. Doberman au seigneur de la cuite sur l'album Encore un sale dimanche et nous ne sommes que vendredi avec les bonnets rouges pour vous servir et nous allons recevoir ce soir du monde, du beau monde qui joue au stage un peu plus tard après l'émission. Au stage on aura retrouvé Prowlers avec aussi La Gâchette, Action, Sédition et Shoot Killer et je vous propose justement d'avoir Prowlers en interview et Action Sédition en interview juste après un petit bloc de musique qui sera composé d'Action Sédition avec Grogne Populaire et ce sera suivi du morceau Réclamation de la Gâchette et That's Girls de Prowlers. Allez, Action Sédition avant de les retrouver dans pas longtemps. La révolte qui compte, la population commence à user. Et on s'est écouté Prowlers avec That's Girl. Et puis d'ailleurs, Prowlers est là. Hein, on va pouvoir leur poser quelques petites questions puisqu'ils ont un nouvel album qui est prévu. Donc on va savoir un peu plus là-dessus. Hey, comment ça va? Ah, ouais, ça va super bien. Pas trop dur, ça rentre jusqu'à Trois-Rivières? Non. On a lutté un chevreuil, là, mais... Un chevreuil? Les chevreuils, moi, c'est à l'Assomption moi, que je vois ça. C'est pas ici, moi, que j'en vois. Ben, l'Assomption, chevreuil. C'est sur la route, ils ont dû y passer. Là. Bon, hey, comment ça va? Ça va super bien. Bon. Adrien, moi, ben, c'est bien. Ce qu'il faut que tout le monde soit en forme, là, parce qu'il y a le show après ce soir aussi. Ok, là, aujourd'hui, il y en a de Prowlers en entrevue qui sont en show ce soir au Rock Café Lost Stage. Puis dans les membres de Prowlers, on a Sylvain qui est là. Yes. À la voix. Yes. Ainsi que leur drummer, Philippe. Qui change de nom tout le temps. Tout le temps. C'est comme ça. Non, mais au moins, ça permet quand on oublie les temps, ça oublie les prénoms. Si on peut leur demander à chaque fois, ça pose pas de problème. Ouais, mais c'est Pizou sur les albums quand même. Ouais. Ah non, ouais. Jamais t'as vu ce nom-là sur aucun album. Toi, t'es mal renseigné. Là, c'est à cause de Sylvain. Commence pas avec des mentries pour vrai. Moi, ça commence mal. Si tu dis des mentries, moi, tout de suite t'arrêter. Est-ce que t'as déjà vu mon nom, famille, sur un album? Je sais pas, Sylvain. C'était-tu écrit son nom? Ah, oh, peut-être. Aucune mentrie. Adrien, faudrait que je commence pas, là. Je te dis, commence pas. Il faudrait que je sorte ça. Ryan, s'il te plaît. Merci. Mais du coup, justement, pourquoi pas mettre ce nom-là sur le nouvel album? Pourquoi le... je te parle de mensonge. On peut bien le mettre, mais pourquoi? Comme ça. Mais du coup, le nouvel album, lui, il s'appelle comment? Tu m'attaques, toi, hein? Moi, vous venez chercher. Combien de temps l'entrevue? Tu l'as provoqué tantôt, tu l'as traité de breton. Non, regarde, les bretons, comme ça. Que tu dis. OK, on verra. Mais du coup, le nouvel album? Le nouvel album, il s'appelle On The Run. C'est un 10 pouces qui va sortir dans à peu près 2 mois sur 3 étiquettes de disques. 3 étiquettes de disques, du coup, OK. Lesquelles? Ouais, lesquelles? C'est pas intéressant. C'est ça. Même ouais, pas c'est la question suivante. Savoir, c'est la question suivante. Là, let's go, Adrien. Du coup, lesquelles? Si tu poses des questions avant que je les pose. Oui, il peut faire l'entrevue puis répondre aux questions, les poser. Puis les... OK, je vais prendre un break. Là. C'est vrai que je serais feignant sur le coup, je ferais l'interview tout seul, entre membres de Prowlers. Ouais. Justement, on n'est pas tout seul. C'est ça. Ben, c'est ça, les 3 étiquettes, ça va être Long Shot aux États-Unis, Insurgents ici au Canada, puis en Europe, ça va être Agrobeat. Qui est une sous-division de oioimusic.com. OK. Donc, il y a un changement de label, il me semble, par rapport au précédent? Oui, c'est juste un concours de circonstances. On a eu des opportunités. Puis, on avait déjà travaillé avec Insurgents dans le passé, puis là, c'est une deuxième... Insurgents, ça fait un petit bout de temps qu'ils n'avaient pas sorti grand-chose, par contre. Oui, bien là, ils recommencent. Ils ont pris un long break, puis là, ils recommencent. Ils ont sorti bien des albums reggae. Ils vont distribuer le nouveau Bishop Green, puis ils commencent à revenir où est-ce qu'ils étaient. OK. Ils n'ont jamais arrêté, en fait. Ouais, mais c'était un peu plus tranquille. Ouais, plus... c'est ça. Puis on va dire qu'ils continuent comme avec du beau monde, vu ce que vous êtes dessus. Pardon? Ils disent qu'ils continuent avec du beau monde, vu que vous êtes dessus. Ben, c'est ce qu'on se dit. Beau, tu nous trouves beaucoup. Ah, oh, c'était un compliment, là. Ouais, merci. C'est, tu me dis que je te provoque depuis tout à l'heure. Si tu n'acceptes pas les compliments quand on en fait, là, regarde. Hein. Recommence, là, regarde. Mais du coup, c'était quoi la question suivante? Ah oui, la langue de l'album. Tout est en anglais, j'ai vu ça, semblerait-il. Ouais. Alors pourquoi tout faire en anglais? Ah, regarde. C'est comme ça, hein. Pour l'instant, c'est comme ça. Ça marche parce que tout le monde peut comprendre l'anglais, non? Pas moi. Ouais. Ouais, c'est ça. Ouais, mais votre tune en français, pourquoi qu'il y a juste une tune en français bien bonne quand même, là, tu sais, tous unis, il faut le dire, là. Puis, t'avais raison aussi, Stéphane. Ça a toujours été Stéphane au drum décrit. Hein. Ah, il vient de vérifier les albums. Voyons donc. Quoi qu'il me reste quand même juste à vérifier sur le vieux démo là, que David. Hey, on vient de le vendre, on en a vendu un aujourd'hui. Combien? Ça vaut 225. 12 500. Ah ouais, j'ai le numéro 17 sur 30. 17 sur 30, c'est bon. Bon, en tout cas. Non, ben pour répondre à ta question sur la langue, ça a toujours été plus facile pour moi d'écrire en anglais, même si les paroles sont pas vraiment super songées. C'est juste parce que en français, dès que je commence à écrire quelque chose, j'essaie de trouver des mots qui sont parfaits, puis c'est juste trop long. Oui, puis il y a aussi le fait que écrire en anglais, ça fait des chansons en anglais, tout le monde peut comprendre, même de où tu viens, même si tu parles pas l'anglais. C'est une langue que tu es capable de comprendre. Fait que notre musique, elle peut voyager un peu plus que si on reste en français, mais on n'est pas barré. Oui, on a fait une chanson auparavant. Mm-hmm. Tu parlais de la Tout Fini, ouais, qu'on l'a, ouais, faite. Mais ça, ça a tout le temps resté que... Là, je pense qu'on est bien... On l'a fait, là. On s'est fait connaître un peu. Maintenant, la prochaine étape, je pense que ça va être des trucs en français, ouais. Oh! Oh. Ah, hein, tu savais pas celle-là? Hein? Non, je retiens. Non, mais des projets futurs, on a parlé en tant que groupe qu'on aimerait ça faire au moins 45 tours strictement français. C'est dans, mm-hmm, nos projets pour commencer, à moyen terme. Tout le groupe parle en français, là. On a une personne qui est anglophone, mais qui parle très bien le français comme nous, qui vit ici, qui parle... pourquoi pas? Et du coup... Les gars de Trois-Rivières ou des Bretons vont pouvoir comprendre finalement qu'est-ce qu'on dit puis qu'est-ce qu'on... Et pour moi qui comprends pas ce que vous allez chanter sur cet album-là, c'est quoi les thèmes qui vont être que vous abordez du coup dans les chansons? Okay. Ben, beaucoup de boissons. Mais c'est universel comme thème. C'est ouais, c'est fun. Ça. Moi, je suis tellement curé de chanter des tunes de bière puis de... ouais, c'est vrai. Hein? Non, mais il y a... Sur l'album, il y a une tune qui c'est One Life, là, c'est celle qu'on a mis disponible récemment. Ouais. Elle parle de... Il y a une vidéo aussi faite maison, mais que tu peux regarder sur YouTube, One Life, de notre dernière... Mais elle parle de quoi, One Life? One Life, elle parle de que tu as une vie à vivre, il faut que tu en profites, puis tu t'en fous de qu'est-ce que le monde pense de toi. Tu sais, y a tellement de monde qui se barre, qui s'empêche de vivre, qui se dit « Ah non, moi... » J'ai 35 ans, là, je peux plus sortir, je peux plus faire ci, je peux plus faire ça. Ben, nous autres, on n'est pas d'accord avec ça. T'en as rien qu'une vie à vivre. Fait que c'est pas rendu à 60 ans que tu vas dire, j'aurais donc dû. Fait que ça parle pas mal de ça. J'aurais donc dû l'embrasser, celle-là. Entre autres. Mais, fait que c'est ça. Le reste, il y a des tunes qui parlent de boissons, vu que c'est une grosse partie de notre vie. Arrête de boissons. Ouais, c'est ça. On dit d'autres choses que ça. On est dans les AA maintenant. C'est toi qui écris. Ouais, mais ça marche, hein, les AA. Ouais, c'est ça. Puis la vie et l'amitié, ça. Ouais, ben toujours. Puis sur cet album-là, on fait une reprise de Street Troopers. Oh, Against Racism. Okay. C'est parce que dans le fond, ça se trouve être nos meilleurs chums d'enfance. Pis, mm-hmm. On a grandi avec eux autres, là, les Street Troopers. On a commencé avec eux autres. Prolleuse n'existait même pas, puis mm-hmm. on allait voir leur concert. Là, c'est des amis. Puis dans la lignée, on a repris une tune de Gas and Hour, on a repris une tune de Discords. Puis ça fait juste comme une suite logique. Des bandes de Montréal qui ont été des influences pour nous. Souvent, les gens vont prendre des bandes comme reprise, des bandes d'ailleurs, puis pourquoi faire ça quand tu as des bandes chez toi qui t'ont influencé? Fait que c'est un petit peu ça l'idée en arrière de ça. Okay. Fait que c'est pour ça qu'on reprend Street Troopers aussi sur cet album-là. Ouais, puis c'est un honneur pour nous de la faire. Puis je pense qu'on l'a bien réussi, on l'a bien travaillé, puis je pense qu'on l'a bien réussi. Ceux qui connaissent Street Troopers et qui ont connu. J'ai hâte de l'entendre, cette pièce-là. Ils vont être contents de notre Est-ce que vous la jouez ce soir? Est-ce que vous la jouez ce soir? Ben, est-ce que tu veux l'entendre ce soir? Ben oui, on la jouera pas. Il faudra attendre le prochain album. Oh, mais va te gosser tout le long du show, ça Adrien, veut dire. Adrien, vas-tu être là au show à soir? Oui, comme tout le monde ici présent. Ouais, on ne jouera pas. Mais pour ça, c'est pour inviter le monde à écouter l'album après quand il est sorti dans deux semaines. C'est ça, mais on vous l'a même amené là, tantôt. Deux semaines, c'est deux mois, c'est ça. C'est moi qui anticipe, je suis pressé. Ouais, c'est ça, deux mois. Vite. À peu près deux mois. Là, l'idée, c'est que la sortir fin avril, là, ça devrait être disponible. Mais tout est fait. La musique, tout l'enregistrement, le mastering, tout est fait. C'est juste toute la petite paperasse puis tout le... Même quand vous en amenez, vous pouvez en faire jouer. On va en faire jouer. Un break, j'étais curé là, de parler. Là. J'avais une dernière question juste avant. C'était de savoir, est-ce qu'il y aurait une tournée après la sortie de l'album? Normalement, on s'en va en Europe encore au mois d'octobre. C'est dans les plans. Avec nos occupations du temps, nos jobs, on ne peut pas y aller longtemps, mais on va faire un petit 10 jours en Europe au mois d'octobre. OK. C'est bon. Ça va être sympa, ça. Donc, on va s'écouter un morceau. Tu voulais qu'on s'écoute On Life tout à l'heure, tu m'as dit? Ouais, tu peux mettre One Life, ça va être... Donc, on va écouter ce morceau-là. On va faire écouter une petite pub. Et après, on s'écoute Bandland, pardon. Ça te va comme ça? Bandland, ouais. Oui, c'est moi qui arrive même plus à lire à soi. Ça va mal. Bon, allez. On s'écoute un peu de musique, vu qu'il est tanné de parler. C'était Badlands qu'on pourra s'écouter sur le nouvel album de Prowlers. Prowlers qui est toujours avec nous d'ailleurs. Yeah! Puis peut-être quelques petites questions plus particulièrement à Sylvain d'ailleurs. Ce sera sur le festival Oi qui va avoir lieu pour la Saint-Patrick. En mars? Ouais, pour la Saint-Patrick. C'est ça, pour la Saint-Patrick. Je voulais pas dire de bêtises. J'ai quand même. C'est une deuxième édition, du coup? C'est que la première, c'était très bien passé, puis on voulait revenir l'expérience. Écoute, ça a commencé, la première édition qu'il y a eu de ce festival-là, c'est pas moi qui l'ai faite, c'est arrivé en 2000, ça a été classé criminel. Nous autres, on avait joué dessus, puis les filles qui avaient fait la première édition n'ont pas refait une deuxième. Puis nous, moi, j'avais fait la deuxième dans le temps, Les Fastidia, c'était venu jouer à Montréal avec Hudson Falcons, puis d'autres groupes. Puis, je sais pas, l'année passée, je me suis dit, faudrait repartir ça. Puis, on a fait l'année passée la nouvelle formule au Catacombe. Puis, il y avait The Oppress, il y avait King Size Braces qui faisait un show de retour. Fait que c'est quand même, on essaie de créer des événements avec ça, puis avoir des groupes qui sont plus rares, si on veut. C'est vrai qu'il y avait une belle affiche l'année passée, puis cette année aussi, parce qu'il y a une reformation de Street. Pardon, qu'est-ce que je raconte, moi, de Sweet Trooper? C'est ça. Encore meilleur cette année, je pense. Je pense que ça s'en va de mieux en mieux. Cette année est encore meilleure que l'année passée. Si vous avez manqué l'année passée, ouf, c'était bon, mais cette année encore mieux. C'est un vrai promoteur. il faut vendre l'événement. Il faut vendre l'événement, c'est pour ça. Jean-Pascal n'a pas vraiment gagné. Pour la gang de Street Troopers, c'est Street Troopers au complet ou c'est Union Maid qui fait Street Troopers? Pour Street Troopers... Union Maid, Street Troopers, c'est les mêmes gars. Ouais. On s'entend. Puis même avant, il y a eu d'autres groupes. Ouais, Fate to Aid, ouais. Je sais pas pourquoi tu mélanges Street Troopers et Street Troopers. Hein. Ah, ouais, mais... Bon, ben, dans le fond, vu que c'est des bons amis à moi, j'ai comme tordu une coupe de bras puis j'ai réussi à les faire revenir parce qu'à chaque fois qu'Union Maid jouait, tout le monde criait tout le temps Street Troopers pendant leur show. Fait que j'ai dit, comme réussi à convaincre Nick et Anne de revenir faire une fois un concert. Fait que c'est un one-shot deal. Fait que ceux qui le manquent, qu'ils ont jamais vu puis qui le manquent, c'est tant pis pour vous autres parce qu'ils rejoueront pas d'après moi, là, à moins que... Il y a des chiques. Je suis au courant d'un projet. Ça prend tout pour qui. Non, je pense pas que. Non. Je pense pas que. Je vais avoir obligation d'y être parce que sinon, j'aurais pas l'occasion de les revoir et j'ai pas eu l'occasion de les voir jusqu'à présent. Non, c'est ça. Le dernier concert qu'ils ont fait, si je me trompe pas, c'est peut-être en 2000. C'est-tu au bord Saint-Laurent avec les toilettes qui dégoulinaient du deuxième étage? Oui, c'est ça. Ouais, okay. c'est probablement là. C'est pas juste en 2000 que les toilettes dégoulinaient. Là. Ils ont tout le temps dégouliné. Cette fois-là, tu es dégouliné en tabarnouche. C'était peut-être pas de la pisse qui dégoulinait. Des fois, tu veux pas savoir pourquoi ils dégoulinaient les toilettes. Il y avait une cascade d'eau qui partait du deuxième étage. Ouais, non, c'est un troisième étage, chérie, les toilettes. Le deuxième, c'était à la place parce que le show. Le show là-bas, t'es au deuxième. Le premier, hein, ça devait être dégueulasse. Tu pitchais le monde du deuxième en bas. Il y avait le sexe en haut. Il y avait le show au deuxième. Puis en bas, c'était les gens déboulés. Ouais, la poudre, tout ça. Les putes. Les batailles. Salut Lino. Merci Lino d'avoir barré à la porte quand la police arrivait. Merci. Toute une histoire, quoi. Enfin. Je connais rien. Ouais, ça doit être quelque chose. Je sais pas si toi, camarade B, t'avais quelques questions à poser en plus ou pas. Ouais, moi j'aimerais savoir, pour Up City Stompers, est-ce que c'est Up City Stompers ou c'est Inspector Seven ou c'est vraiment Up City Stompers qui vont juste faire du Up City Stompers? Ben, de ce que je comprends de l'histoire, c'est que il était revenu Inspector Seven, puis là, ça a comme... répéter la chicane, je sais pas si c'est son chicané, mais... C'était écœurant, le show d'inspecteur. Ouais, c'est ça. Puis là, c'est toute la gang de Inspector Seven, sauf le deuxième chanteur qui s'appelle Giuseppe, qui retourne à faire Up City Stomper, puis ils prennent le catalogue de chansons qu'il y avait avec Inspector Seven. Donc, certaines chansons que c'était le chanteur de Up City Stomper qui avait écrit pour Inspector Seven, mais ces chansons-là vont être jouées avec le nouveau line-up de Up City Stomper. Fait que dans le fond, ils vont faire un peu ce qu'ils ont fait au show d'Inspector Seven, en faire des tunes des deux, mais... Puis ils vont même, je pense que d'après ce que j'ai pu comprendre, ils vont même faire des tunes de... Il y avait un banner ici qui s'appelait Steel Toe Solution, exactement. Puis il m'a dit qu'il faisait des tunes de Steel Toe Solution aussi. Fait que c'est une fricassée de toutes ces, qui ces classiques. Je sais pas qui c'est qui a dit ça. C'est Ricardo. Ricardo. Il est caché au fond, là. On n'entend pas beaucoup parler, là, mais... Enfin, problème de micro, on un dirait, petit problème mais... de micro. Si on revenait du coup après s'écouter un morceau de Sweet Trooper, enfin je dirais même deux morceaux parce qu'on va s'écouter l'album et puis Take the Battle of Your Street, qui est sur. Ouais, ouais, il y en a un autre d'ailleurs qui se fout de la gueule avec mon accent anglais. Je sais qu'il est pourri, t'es pas obligé de me le faire rappeler comme ça. Arrête donc de niaiser. Faut pas être gêné d'avoir un accent pourri en anglais, hein. Non, non, y a mais pas de gêne là. Je l'admets puis je le reconnais, donc comme ça au moins c'est correct. Donc là, on y va avec Take the Battle to the Street Trooper. Puis... C'est ça. Et puis on s'écoutera après, on avait dit, un autre morceau de Prowlers. Lequel? Allez, ce sera surprise. Oh. Si vous avez écouté, vous savez que c'est une reprise de Sweet Trooper et je vous redonnerai le nom tout à l'heure. Oh. pas ouais, allez, ouais. C'était Oi Against Racism. C'était une reprise de Prowlers de Sweet Trooper qu'on a écouté juste avant avec Take the Battle to the Sweet qui était sur l'album du même nom. Et on a Action Sédition qui vient d'arriver dans le studio à l'instant. Et on va peut-être leur poser quelques petites questions. Est-ce que le chemin est à dur pour se rendre jusqu'à Trois-Rivières? Ben, c'est surtout sortir de Montréal qui a été compliqué, là, je te disais. Ah, ouais, on pognait du trafic en masse. Mais sinon, c'était bien facile. Là. Bon. Merci. Puis ça n'a pas été trop difficile de se rendre jusqu'ici. Un petit peu. On a reviré dans une coupe de parking, mettons, en chemin. Mais bon, c'est normal, c'est normal, c'est normal. C'est bon, et, ça. Et dire que les gens ici se plaignent qu'il n'y ait pas assez de parking à l'université. Regarde, il y en a assez pour qu'on s'y perde. Quand même. Ah oui, en passant, il y avait beaucoup d'arbres avant où est-ce qu'il y a un gros méga parking. Je pense qu'on devrait. Ouais. Dans le temps, là, ça recule de 10 ans. Là. Ouais. Ouais. On devrait planter les arbres à la place du parking, tiens. Ouais. Je sais pas ouais. ce que t'en penses. Ce serait une bonne idée, ça. Hey, fait que vous autres, vous êtes en show ce soir, là. Yes. Votre café le stage. Yes. Êtes-vous cassé? Quoi, c'est la première fois que vous venez jouer à Trois-Rivières? Deuxième. Ouais. On a déjà joué 2-3 tunes à un ouais, autre ouais, show avant c'est ça. Ouais. C'est ça, c'était pas. Mais c'était pas prévu là, d'avance, quoi que ce soit, là. Fait que. That's it. Mais on a bien hâte. Là, ça va être un vrai set, là, au complet. On a bien hâte. Ouais. Bon. Pourriez-vous nous faire un petit historique d'Action Sédition? Là? On va laisser Eric. Ben, sinon, pire, je peux commencer. Ah, vas-y. Action Sédition, ça s'est formé officiellement en 2011. Okay. Mais en fait, c'est un peu comment je veux dire, la finalité de d'autres projets qui avaient commencé il y a plusieurs années avant. Comme? Puis, ben, c'est des projets qui n'ont jamais vraiment abouti. À part peut-être Diarrhée buccale. Ben, ça vaut la peine d'être parlé. Exemple, ouais. Là. Diarrhée buccale, ça l'a marqué Montréal en 1987. C'est quelque chose de gros. Là. Vous connaissez plus pas 20 ça? Ans, maintenant. Non, Diarrhée buccale, come on. Non? Je te dirais que j'étais pas né à cette époque-là. Ah. Et en 87, ouais, la monde devait être pas mal jeune dans votre groupe. Là, ouais, là. Pas mal. Ben, sauf Emily, là, mais à part ça. Alors, Diarrhée buccale, c'est le groupe à Emily. Là. C'est plus, ça date plus de 2007, mettons. Là. Ça, je pensais aussi. Je me disais, ça me 87. Là. Yes. Mais il y a du vieux monde qui paraissent pas vieux ici, d'abord. Là. Ben oui, ben c'est clair. En tout cas, bref, tout ça pour dire qu'il y a eu Médé et Action Sédition qui se sont formés pas mal ouais. en même temps. Puis c'est comme la même aboutissement. On a comme la même histoire de background, le même okay. band. On est la même gang, des amis et tout ça. Fait que c'est ça. En gros. OK. Histoire. Et puis... Bon, on a sorti un album, ouais. J'ai oublié de dire ça. L'année passée. L'année passée, qui s'appelle Rapport de force. Puis... Cet album-là, il est seulement disponible en ligne ou il existe en version CD? Il existe en CD, ouais. OK. Pas en vinyle, là, mais en CD, ouais. L'avez-vous traîné avec vous autres ce soir? Oui. Yes, yes. Oh, ça, c'est bon. Puis là aussi, j'ai appris qu'il y a quelque chose qui s'en venait pour vous autres comme nouvel album, là. Ouais, ben, on prévoit sortir deux splits qui devraient sortir cette année, en fait, okay. des vinyles 7 pouces. Un avec Spanner, un groupe d'Angleterre de ska. Mm-hmm. Puis un avec Streets of Rage, un groupe français de Oi, hardcore un peu. Est-ce que c'est en français ou ben c'est en anglais? Parce qu'Adrien, lui, il aime ça quand c'est en français. Streets of Rage, c'est bilingue, je dirais. Il chante dans les deux langues. Okay. Ben, nous, on chante plus en français, en fait. Ouais. Fait que. Ouais, ça devrait être cool. Là. C'est sur quel label ça va sortir? Ah, c'est il y a à peu près 4-5 labels par split, là, mais en tout cas, là-dedans, il y a des piqués. Nous, le label avec qui on travaille beaucoup au Canada, c'est Rebel Time Records, okay. là, qui est basé en Ontario. Mais là-dedans, dans les deux projets, il y a Maloka Records, il y a Iron Column Records en Angleterre. Ça va sortir sur un label russe que je ne sais okay. même pas le nom. Puis Mad Butcher Records aussi pour cela avec. Côté du bistro, finalement. Ça va bien. Ouais, ça va bien. Hey, côté comme influence, quelles sont vos plus grandes influences pour Action Sédition? Je dirais peut-être Brigada, Flores Magon, Eyoka, Les Shérifs. Ça passe vraiment de tout ce qui est punk rock français. C'est pas mal, ça. Mais au Québec, on peut parler de Jeunesse Apatride, on peut parler de Banlieue Rouge, Corrigan Fest, des groupes comme ça. Ça va vraiment tout ce qui est punk rock politisé, là, disons, en France, au Québec, en français, dans le fond. Là. On écoute vraiment de tout. Mais on a même des influences, là, c'est pas mon cas à moi, je vous rassure. Là, mais il y a des gens qui aiment pas mal le métal dans le groupe. Là, pis, ah ouais, OK. Fait que c'est ça. Mais c'est ça, je dirais, oeil francophone, mélodique, à peu près tout ce qui est à gauche, là. Mm-hmm. Ouais, ce serait pas mal là-dedans, nos influences. Une bonne influence. Donc, vous autres, c'est sûr que vous êtes vraiment du monde, tu sais, qui vote pour Stéphane Harper, comme ça. Oui, oui. En effet. Ben, Émilie, justement, était organisatrice pour Stephen Harper lors de la dernière élection. Je sais pas si ça a bien été. Elle a perdu, d'ailleurs, ses élections à l'île Perrault. Ouais. Bref. J'ai perdu le fil. Bon, mais... oui. Bon, mais côté influence, si on y va pour les groupes, quel serait... non, qu'est-ce que je disais? Non. On parlait de Stephen Harper, c'est de la, si ça peut c'est de la faute de des Prowlers et d'Adrien là, qui avait comme pas la clé qu'il devait avoir. Foot, moi. Hein? Ah non. Oh, ouais, c'est pas grave, ça va être coupé sur le montage, on le saura même pas. À part le monde en ondes qui savent que là... ouais. Mais si on vient comme à vos affaires, vous autres, pour les paroles, finalement, c'est vraiment comme politisé, là, votre groupe. Là. Ouais, ouais, je dirais que pas mal toutes nos paroles sont politisées. Puis c'est pas mal là-dedans qu'on risque de continuer, là, je dirais. Même si, je dirais que dans Rapport de force, leur dernier album, c'est vraiment, ça tient aux politiques, là, mm-hmm. tout le long. Là. C'est vraiment des prises de position après prise de position. C'est sûr qu'on va pas arrêter de faire des chansons comme ça, mais éventuellement, on va peut-être s'aligner aussi sur des chansons un peu plus... t'sais, qui racontent une histoire, mais qui, au final, ont un fond, un background politisé. Là. Toujours plus en français ou plus en anglais? Ouais. Ou allez-vous... Ben, pour l'instant, c'est en français, vos trucs. À moi, ouais. J'ai entendu... Ouais, c'est seulement ouais. France. Okay. Ouais. C'est pas mal moi qui compose les paroles, puis je t'avouerai qu'en anglais, je suis assez poche. Là, fait que, c'est pas mal la seule raison pourquoi on fait aucune tune en anglais actuellement. Là. Ça me permet de comprendre les chansons. Exact. Puis de les prononcer aussi sans lorsque avoir un accent. Lorsque vous jouez, par exemple, comme dans des endroits qui sont... ben, mettons, si vous allez comme si vous sortez du Québec, là, est-ce que c'est une barrière pour vous autres, l'anglais, ou vous quand même vous réussissez quand même assez bien? Parce que... Ben, oui? En fait, comme... Moi, je pourrais dire que je me débrouille bien en anglais. Là. Je pense que dans le groupe, il y en a qui parlent d'autres langues et d'autres que non. Donc, ça dépend juste de chaque personne. Mais comme on a un groupe, c'est pas super difficile, en fait. Okay. Ben, c'est ça. On a déjà fait une couple de shows en Ontario, puis on en a d'autres qui s'en viennent. Puis ça n'a jamais vraiment été un problème, je te dirais. Là, les gens se font porter par l'amour de la musique, faut croire. Là, parce que même s'ils comprennent pas nos paroles, j'essaie de parler en anglais entre les chansons. Ça marche plus ou moins. C'est exactement. Mais la réception des gens est bonne. La réception des gens est bonne. Bon. Souvent, je vais m'excuser de mon anglais parce que je suis pourri. Puis les gens vont venir me voir après, hey, t'as pas à t'excuser. Écoute, moi, je parle même pas français. Non, non, non. Fait que je trouve ça... Les gens, on nous accueille assez favorablement. Puis c'est cool. Puis je pense aussi que vu qu'on a comme un bon statement comme antifasciste, d'extrême-gauche, comme peu importe la langue, si le monde, ils savent qu'on est comme d'extrême-gauche, ça va être comme ça. Ça va créer une certaine c'est solidarité plus aussi. Un peu. Ouais, c'est ça. Ouais. Comme... Puis ils vont traduire les paroles. Traduire les paroles. Oui, pardon. Ouais, on met quand même d'efforts pour traduire nos paroles aussi. Là, le dernier album, on les avait traduits. Là, ils ne sont pas dans l'album parce qu'on n'avait pas assez de place. Mais on les a mis sur Internet. Mais on a nos paroles en anglais puis en espagnol aussi. Fait qu'on essaie de mettre un petit peu d'énergie là-dessus. Là. Donc, le message y passe aussi. Ouais, un exactement. Et ce joueur qui tourne, malheureusement, on va devoir se quitter avec un bon morceau. On s'écoute. On s'écoute-tu, prisonnier politique? Bah pourquoi pas, tu sais. Gâtez-vous! Salut! Bon, ben, let's go! Et puis surtout, n'oubliez pas qu'on se retrouve... au Rock Café La Stage pour Action Sédition, Prowlers, La Gâchette Shot et callers. Shot Callers. Yes! Yeah. Ça va être let's malade! Go. Allez. Allons rocker. Fermons la radio pour ce soir. On s'écoute prisonnier politique avec Action Sédition, puis après, tout le monde au show stage. Bye bye tout le monde. Bye. À la semaine prochaine. Ciao!